Ta-ta-ta, votre mère était ce qu'elle était, je ne la confonds pas avec une autre femme. Écoutez, prince, j'étais passionnément amoureux de votre maman alors qu'elle était déjà fiancée, enfin fiancée de votre père. Un matin, votre père vient chez moi et me réveille. Lève-toi, me dit-il, nous allons régler la chose. Et il tire de sa poche une paire de pistolets. Je ne lui pose aucune question. Nous chargeons nos armes, nous nous mettons en face l'un de l'autre et nous nous regardons, prêts à appuyer sur la gâchette. Et tout à coup, les larmes jaillissent de nos yeux et nos mains se mettent à trembler. Alors nous déposons nos pistolets sur la table et nous nous embrassons trois fois. À la russe, moi, je sanglote, elle est à toi, prince. Votre père s'écrie, je renonce à elle, je renonce à elle par amitié pour toi. Bref, et en un mot, vous venez loger chez nous. Oui, pour quelque temps. Prince, maman vous prie de descendre dans le salon. Excusez-moi, général. Mais pourquoi cette hâte? La générale Ivolgin vous attendra. J'ai encore quelque chose à vous dire. Je devais être nommé gouverneur général de Saint-Pétersbourg. C'est alors que le destin s'est acharné sur moi. Et me voilà par terre. Nous en sommes réduits à louer des chambres. Je serais désolé si ma présence ici... Mais je ne dis pas cela pour vous, prince. Nous serons contents de vous accueillir dans notre modeste logis. Non, il ne s'agit pas de cela. Mais voilà. Il se passe chez nous quelque chose de tragique. Vraiment ? On veut marier mon fils Gabriel, qui aurait pu devenir un conseiller d'État, à une femme aux mœurs légères. Oui, on s'apprête à introduire cette femme dans ma maison, près de mon épouse et de ma fille. Mais elle n'y entrera pas tant que j'aurai un souffle de vie. Je me coucherai sur le seuil et qu'elle passe sur mon corps, si elle l'ose. Avec votre permission, je vais vous quitter, général. Madame la générale m'attend au salon. Mais ma femme attendra, prince. Je ne parle presque pas à Gania. C'est le petit nom de mon fils Gabriel Ardalionitch. J'évite même de le rencontrer. Je vous préviens, car si vous devez rester chez nous, il faut bien que vous le sachiez. Prince, faites-moi la grâce de venir au salon. Je vous suis, madame. Veuillez m'excuser de vous avoir fait attendre. Si je vous ai fait venir ici, prince, c'est parce que... Je vais vous parler sans détour. J'en ai assez de biaiser, de m'humilier. Prince, depuis combien de temps connaissez-vous mon fils, Gabriel Ardalionitch ? Depuis ce matin, madame. Ah. Cependant, lorsque je l'ai questionné tout à l'heure à votre sujet, il m'a dit « Il sait tout, il n'y a pas besoin de se gêner avec lui. » À ce moment, Gabriel Ardalionitch pénétra l'air méchant dans le salon. Nina Alexandrovna, sa mère, tressaillit. Elle se tourna et posa un regard brûlant sur lui. Est-ce pour ce soir, Gania ? Qu'est-ce qui est pour ce soir, maman ? Tu sais bien de quoi il s'agit. Pourquoi cherches-tu à jouer à cache-cache avec moi ? À quel jeu voulez-vous que je joue avec vous ? À saute-mouton, peut-être ? Oui, c'est ce soir, à 9h exactement, que Nastassia Philippovna dira oui ou non. Voilà 3 semaines que j'évite de te parler de cette femme, mais à présent que tout est décidé ou presque, je me permets de te demander une chose. Comment as-tu pu la berner au point qu'elle accepte que tu lui fasses la cour ? Et l'épouse, peut-être. Elle, si expérimentée, vous voulez dire. C'est le mot que je cherchais. Mais réponds. Comment as-tu réussi à lui cacher la vérité? Et pourquoi imaginez-vous que je trompe Nastassia Philippovna? Peut-être je l'aime vraiment. Qu'est-ce que tu aimes regarder ainsi, Varvara? Nastassia Philippovna ne te plaît pas? Je le sais. Mais je suis le seul maître dans cette maison. Je te le répète. Si cette femme doit entrer ici, je partirai. Eh bien, pars ! Pars tout de suite ! J'en ai assez de toi, de tes insinuations perfides, de tes airs offensés ! La colère de Gabriel Ardalionitch atteignait ce degré où on semble se réjouir de son propre emportement. Je lui tournai le dos et sortis. Je traversai la salle à manger et descendis, je ne sais pourquoi, dans le vestibule. J'ouvris machinalement la porte et reculai. C'était Nastassia Philippovna. Elle ôta sa pelisse et me dit d'un ton courroucé. Pourquoi ne te tiens-tu pas dans le vestibule, mauvais domestique? Je sonne depuis 5 minutes. Prends ma pelisse, au moins. Je voulus lui faire remarquer sa méprise, mais ayant perdu la tête, je tournai les talons et me dirigeai de nouveau vers le salon, tenant entre mes mains la pelisse de Nastassia Philipovna. Le voilà qui s'en va avec ma pelisse maintenant. Serais-tu fou par hasard? Mais avec toi! Arrête-toi donc! Accroche ma pelisse et va m'annoncer. C'est bien, Nastassia Philipovna. Comment sais-tu mon nom? Je ne t'ai jamais vu. Oui, mais moi, je vous ai vu. Je vous ai vu. Je n'achevais pas ma phrase. Je me précipitai vers le salon et j'annonçai « Nastassia Philipovna ». Mais voilà! C'est moi? Pourquoi votre idiote domestique ne se tient-il pas dans le vestibule? Mais quel air vous avez tous! On dirait que je vous ai fait peur. Allons, Gabriel, souriez. Dites-moi que vous êtes content de m'accueillir chez vous. Et ensuite, présentez-moi gentiment à votre maman et à votre charmante sœur, Varvara Ardalionovna. C'était la première fois que Nastassia Philipovna franchissait le seuil de leur maison. Jusqu'ici, elle n'avait jamais questionné Gabriel Ardalionitch au sujet de ses parents. Il avait encore moins exprimé le désir de se rendre chez lui. Cette visite inopinée était pour les Ivolgin comme un coup de tonnerre. Gabriel Ardalionitch ne put prononcer deux mots. Quant à sa mère, Nina Alexandrovna, et à sa sœur Varvara Ardalionovna, immobile, raide et tragique, elle semblait devoir d'une minute à l'autre se jeter sur l'intruse et la mettre en pièces. Vous êtes sans doute la mère de Gabriel Ardalionitch. Il vous ressemble, au moins bien. Et vous, sa sœur, Varvara, vous êtes plutôt jolie. Mais vous ne savez pas vous mettre en valeur. Eh bien, voilà. Nous avons fait connaissance. Et maintenant... C'était « L'idiot », un feuilleton de Georges Govy inspiré de Dostoïevski, avec Pierre Vanek, le prince Mishkin, Pierre Noël, Gabriel Ardalionitch, Roger Monteau, le général Ivolgin, Jean-Pierre Lorrain, Kolia, Noël Bernard, Nina Alexandrovna, Paul Ramaroni, Varvara Ardalionovna et Sylvia Montfort, Nastassia Philipovna. Musique d'Edgar Cosma. Production réalisée dans les studios de la RTF à Nice par Yves Dariet, avec la collaboration de Jacques-Élie Moreau et le concours de la troupe dramatique régionale.